Ta roue était étendue de tout son long, sa lourde tête creusait le traversin, la poitrine forte se dessinait sous l'épaisseur des couvertures. Il avait de la fièvre, sa tête le faisait souffrir. Il dit au docteur Rieux qu'il s'agissait de symptômes vagues qui pouvaient être aussi bien ceux de la peste. Non, rien ne précise encore, dit Rieux après l'avoir examiné. Mais ta roue était dévorée par la soif. Dans le couloir, le docteur dit à sa mère que ce pouvait être le commencement de la peste. « Oh, dit-elle, ce n'est pas possible, pas maintenant. » Et tout de suite après, « Gardons-le, Bernard. » Rieux réfléchissait. « Je n'en ai pas le droit, dit-il, mais les portes vont s'ouvrir. Je crois bien que c'est le premier droit que je prendrais pour moi si tu n'étais pas là. »« Bernard, dit-elle, garde-nous tous les deux. Tu sais bien que je viens d'être de nouveau vacciné. » Le docteur dit que ta roue aussi l'était, mais que peut-être par fatigue, il avait dû laisser passer la dernière injection de sérum et oublier quelques précautions. Rieux allait déjà dans son cabinet. Quand il revint dans la chambre, ta roue vit qu'il tenait les énormes ampoules de sérum. « Ah, c'est cela, dit-il. Non, mais c'est une précaution. » Ta roue tendit son bras pour toute réponse, et il subit l'interminable injection qu'il avait lui-même pratiquée sur d'autres malades. « Nous verrons ce soir, dit Rieux, et il regarda ta roue en face. « Et l'isolement, Rieux ?»« Il n'est pas sûr du tout que vous ayez la peste. » Ta roue sourit avec effort. C'est la première fois que je vois injecter un sérum sans ordonner en même temps l'isolement. Rieux se détourna. Ma mère et moi, nous vous soignerons. Vous serez mieux ici. Ta roue se tut et le docteur qui rangeait les ampoules attendit qu'il parlât pour se retourner. À la fin, il se dirigea vers le lit. Le malade le regardait. Son visage était fatigué, mais ses yeux gris étaient calmes. Rieux lui sourit. Dormez si vous pouvez. Je reviendrai tout à l'heure. Arrivé à la porte, il entendit la voix de Tarou qui l'appelait, il retourna vers lui. Mais Tarou semblait se débattre contre l'expression même de ce qu'il avait à dire. « Rieux, articula-t-il enfin, il faudra tout me dire, j'en ai besoin. »« Je vous le promets. » L'autre tordit un peu son visage massif dans un sourire. « Merci. Je n'ai pas envie de mourir et je lutterai, mais si la partie est perdue, je veux faire une bonne fin. » Rieux se baissa et lui serra l'épaule. « Non, dit-il. » Pour devenir un saint, il faut vivre, lutter. Dans la journée, le froid qui avait été vif diminua un peu, mais pour faire place l'après-midi à de violentes averses de pluie et de grêle. Au crépuscule, le ciel se découvrit et le froid se fit plus pénétrant. Rieux revint chez lui dans la soirée. Sans quitter son pardessus, il entra dans la chambre de son ami. Sa mère tricotait. Tarou semblait n'avoir pas bougé de place, mais ses lèvres, blanchies par la fièvre, disait la lutte qu'il était en train de soutenir. « Alors, dit le docteur. » Tarou haussa un peu hors du lit, ses épaules épaisses. « Alors, dit-il, je perds la partie. » Le docteur se pencha sur lui. Des ganglions s'étaient noués sous la peau brûlante, sa poitrine semblait retentir de tous les bruits d'une forge souterraine. Tarou présentait curieusement les deux séries de symptômes. Rieux dit en se relevant que le sérum n'avait pas encore eu le temps de donner tout son effet, mais un flot de fièvre qui vint rouler dans sa gorge noya les quelques mots que Tarou essaya de prononcer. Après dîner, Rieux et sa mère vinrent s'installer près du malade. La nuit commençait pour lui dans la lutte, et Rieux savait que ce dur combat avec l'ange de la peste devait durer jusqu'à l'aube. Les épaules solides et la large poitrine de Tarou n'étaient pas ses meilleures armes, mais plutôt ce sang que Rieux avait fait jaillir tout à l'heure sous son aiguille, et dans ce sang, ce qui était plus intérieur que l'âme et qu'aucune science ne pouvait mettre à jour. Et lui devait seulement regarder lutter son ami. Ce qu'il allait faire, les abcès qu'il devait favoriser, les toniques qu'il fallait inoculer, plusieurs mois d'échecs répétés lui avaient appris à en apprécier l'efficacité. Sa seule tâche, en vérité, était de donner des occasions à ce hasard qui trop souvent ne se dérange que provoquer, et il fallait que le hasard se dérangeât. Car Rieux se trouvait devant un visage de la peste qui le déconcertait. Une fois de plus, elle s'appliquait à dérouter les stratégies dressées contre elle. Elle apparaissait au lieu où on ne l'attendait pas pour disparaître de ceux où elle semblait déjà installée. Une fois de plus, elle s'appliquait à étonner. Tarou luttait immobile. Pas une seule fois au cours de la nuit, il n'opposa l'agitation aux assauts du mal, combattant seulement de toute son épaisseur et de tout son silence. Mais pas une seule fois non plus il ne parla, avouant ainsi à sa manière que la distraction ne lui était plus possible. Rieux suivait seulement les phases du combat aux yeux de son ami, tour à tour ouverts ou fermés, les paupières plus serrées contre le globe de l'œil ou au contraire distendues, le regard fixé sur un objet ou ramené sur le docteur et sa mère. Chaque fois que le docteur rencontrait ce regard, Tarou souriait dans un grand effort. À un moment, on entendit des pas précipités dans la rue. Il semblait s'enfuir devant un grondement lointain qui se rapprocha peu à peu et finit par remplir la rue de son ruissellement. La pluie reprenait, bientôt mêlée d'une grêle qui claquait sur les trottoirs. Les grandes tentures ondulèrent devant les fenêtres. Dans l'ombre de la pièce, Rieux, un instant distrait par la pluie, contemplait à nouveau Tarou éclairé par une lampe de chevet. Sa mère tricotait, levant de temps en temps la tête pour regarder attentivement le malade. Le docteur avait fait maintenant tout ce qu'il y avait à faire. Après la pluie, le silence s'épaissit dans la chambre, pleine seulement du tumulte muet d'une guerre invisible. Crispé par l'insomnie, le docteur imaginait entendre aux limites du silence le sifflement doux et régulier du fléau qui l'avait accompagné pendant toute l'épidémie. Il fit un signe à sa mère pour l'engager à se coucher. Elle refusa de la tête et ses yeux s'éclairèrent. Puis elle examina soigneusement au bout de ses aiguilles une maille dont elle n'était pas sûre. Rieux se leva pour faire boire le malade et revint s'asseoir. Des passants, profitant de l'accalmie, marchaient rapidement sur le trottoir. Leurs pas décroissaient et s'éloignaient. Le docteur, pour la première fois, reconnut que cette nuit pleine de promeneurs tardifs et privée des timbres d'ambulance était semblable à celle d'autrefois. C'était une nuit délivrée de la peste. Et il semblait que la maladie chassée par le froid, les lumières et la foule se fût échappée des profondeurs obscures de la ville et réfugiée dans cette chambre chaude pour donner son ultime assaut au corps inerte de Tarou. Le fléau ne brassait plus le ciel de la ville, mais il sifflait doucement dans l'air lourd de la chambre. C'était lui que Rieux entendait depuis des heures. Il fallait attendre que là aussi il s'arrêtât, que là aussi la peste se déclara vaincue. Peu avant l'aube, Rieux se pencha vers sa mère. « Tu devrais te coucher pour pouvoir me relayer à 8 heures. Fais des instillations avant de te coucher. » Madame Rieux se leva, rangea son tricot et s'avança vers le lit. Tarou, depuis quelque temps déjà, tenait ses yeux fermés. La sueur bouclait ses cheveux sur le front dur. Madame Rieux soupira et le malade ouvrit les yeux. Il vit le visage doux penché vers lui. Et sous les ondes mobiles de la fièvre, le sourire tenace reparut encore, mais les yeux se fermèrent aussitôt. Resté seul, Rieux s'installa dans le fauteuil que venait de quitter sa mère. La rue était muette et le silence maintenant complet. Le froid du matin commençait à se faire sentir dans la pièce. Le docteur s'assoupit, mais la première voiture de l'aube le tira de sa somnolence. Il frissonna et regardant à roue, il comprit qu'une pause avait eu lieu et que le malade dormait aussi. Les roues de bois et de fer de la voiture à cheval roulaient encore dans l'éloignement. À la fenêtre, le jour était encore noir. Quand le docteur avança vers le lit, Tarou le regardait de ses yeux sans expression, comme s'il se trouvait encore du côté du sommeil. « Vous avez dormi, n'est-ce pas ?» demanda Rieux. « Oui. Respirez-vous mieux ?»« Un peu. Cela veut-il dire quelque chose ?» Rieux se tut, et au bout d'un moment... « Non, Tarou, cela ne veut rien dire. Vous connaissez comme moi la rémission matinale. » Tarou approuva. « Merci, dit-il. Répondez-moi toujours exactement. » Rieux s'était assis au pied du lit. Il sentait près de lui les jambes du malade, longues et dures comme des membres de gisant. Tarou respirait plus fortement. « La fièvre va reprendre, n'est-ce pas, Rieux ?» dit-il d'une voix essoufflée. « Oui, mais à midi, nous serons fixés. » Tarou ferma les yeux, semblant recueillir ses forces. Une expression de lassitude se lisait sur ses traits. Il attendait la montée de la fièvre qui remuait déjà quelque part au fond de lui. Quand il ouvrit les yeux, son regard était terni. Il ne s'éclaircit qu'en apercevant Rieux penché près de lui. « Buvez, disait celui-ci. » L'autre but, il laissa retomber sa tête. « C'est long, dit-il. » Rieux lui prit le bras, mais Tarou, le regard détourné, ne réagissait plus. Et soudain, la fièvre reflua visiblement jusqu'à son front comme si elle avait crevé quelque digue intérieure. Quand le regard de Tarou revint vers le docteur, celui-ci l'encourageait de son visage tendu. Le sourire que Tarou essayait encore de former ne put passer au-delà des maxillaires serrées et des lèvres cimentées par une écume blanchâtre, mais dans la face durcie, les yeux brillèrent encore de tout l'éclat du courage. À 7 heures, Madame Rieux entra dans la pièce. Le docteur regagna son bureau pour téléphoner à l'hôpital et pour voir son remplacement. Il décida aussi de remettre ses consultations, s'étendit un moment sur le divan de son cabinet, mais se leva presque aussitôt et revint dans la chambre. Tarou avait la tête tournée vers Madame Rieu. Il regardait la petite ombre tassée près de lui sur une chaise, les mains jointes sur les cuisses, et il la contemplait avec tant d'intensité que Madame Rieu mit un doigt sur ses lèvres et se leva pour éteindre la lampe de chevet. Mais derrière les rideaux, le jour filtrait rapidement et peu après, quand les traits du malade émergèrent de l'obscurité, Madame Rieu put voir qu'il la regardait toujours. Elle se pencha vers lui, redressa son traversin et en se relevant posa un instant sa main sur les cheveux mouillés et tordus. Elle entendit alors une voix assourdie venue de loin lui dire merci et que maintenant tout était bien. Quand elle fut assise à nouveau, Tarou avait fermé les yeux et son visage épuisé, malgré la bouche scellée, semblait sourire à nouveau. À midi, la fièvre était à son sommet. Une sorte de toux viscérale secouait le corps du malade qui commença seulement à cracher du sang. Les ganglions avaient cessé d'enfler. Ils étaient toujours là, durs comme des écrous, vissés dans le creux des articulations, et Rieu jugea impossible de les ouvrir. Dans les intervalles de la fièvre et de la toux, Tarou, de loin en loin, regardait encore ses amis. Mais bientôt, ses yeux s'ouvrirent de moins en moins souvent, et la lumière qui venait alors éclairer sa face dévastée se fit plus pâle à chaque fois. L'orage qui secouait ce corps de soubresauts convulsifs l'illuminait d'éclairs de plus en plus rares, et Tarou dérivait lentement au fond de cette tempête. Rieu n'avait plus devant lui qu'un masque désormais inerte, où le sourire avait disparu. Cette forme humaine qui lui avait été si proche, percée maintenant de coups d'épieux, brûlée par un mal surhumain, tordu par tous les vents haineux du ciel, s'immergeait à ses yeux dans les eaux de la peste, et il ne pouvait rien contre ce naufrage. Il devait rester sur le rivage, les mains vides et le cœur tordu, sans armes et sans recours une fois de plus contre ce désastre, et à la fin, ce furent bien les larmes de l'impuissance qui empêchèrent Rieu de voir Tarou se tourner brusquement contre le mur, et expirait dans une plainte creuse, comme si, quelque part en lui, une corde essentielle s'était rompue.